Amis humains, bonjour, voici une nouvelle série d'articles sur le thème « Et si les robots étaient pourvus de libre arbitre, peut-on fabriquer des robots bienveillants ?» Fasciné par cette idée, le roboticien Alan Winfield du laboratoire de robotique de Bristol a imaginé un programme pour détecter à quel point un robot peut être pourvu d'éthique. Les résultats sont surprenants. Comment réagit un robot face à une problématique de l'ordre de l'éthique ? L'expérience de ce chercheur anglais et de son équipe, décrite dans le numéro 2986 du magazine New Scientist, est bien particulière. Ils ont programmé un robot afin qu'il empêche les autres robots, des bots informatiques agissant en qualité de proxy, de tomber dans un trou. Il s'agit ici d'une version simplifiée de la première loi de la robotique qu'avait imaginée Isaac Asimov dans sa fiction Cercle vicieux, Runaround, 1942. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Alors, pour tester cette loi, le robot a d'abord été confronté à un scénario simple, sauver la vie d'un bot. Le robot a mis à exécution, avec succès, ce pour quoi il était programmé. Quand il détectait que le bot proxy se déplaçait vers le trou, le robot se précipitait pour changer sa trajectoire et le mettre hors de danger. Dans un deuxième temps, le robot a été mis en présence de deux bots à sauver, ceux-ci se dirigeant simultanément vers le trou. Fin de la première partie, la suite dans un prochain épisode.